L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Charlotte Mozy-Florent, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association La Cour des Parents. La Cour des Parents qui organise le samedi 26 mai un grand atelier des familles. Ça se passera à Villers-lès-Nancy, salle Les Écraignes. Avant de parler précisément de ce qui va se passer ce jour-là pour les petits et les grands, un mot sur La Cour des Parents, une association assez récente. Pouvez-nous dire un peu ce que vous y faites et quels sont ses objectifs ? L'objectif de la Cour des Parents, c'est de fédérer tous les acteurs de la parentalité de la région pour qu'ils soient plus facilement accessibles aux parents, c'est-à-dire les associations, les professionnels, les entreprises qui ont des services à proposer aux familles, toujours dans une démarche de respect de l'humain et de l'environnement. C'est des associations qui sont bienveillantes, qui sont là pour aider. Et pareil pour les professionnels dont la démarche commerciale passe au second plan. L'association existe depuis 2014. Elle a été créée à l'époque par Mélanie Chevalier qui était donc jeune parent et qui avait du mal à obtenir justement ces informations-là. Au départ, elle a lancé ça comme une entreprise et elle a transformé ça en association avec six autres mamans l'année qui a suivi. Elle ressentait en tant que parent ce manque. Donc elles ont voulu le combler et en faire profiter tous les autres parents de la région. Donc l'aventure continue pour cette association, donc la Cour des Parents, qui organise le samedi 26 mai donc un salon de la parentalité bienveillante en Lorraine, le grand atelier des familles. C'est une première, cette organisation ? C'est la quatrième édition. Les trois éditions précédentes étaient à Nancy. Et donc là, c'est la première fois qu'on s'installe à Villers. Avec l'objectif, au fur et à mesure des années, de faire une petite tournée dans les communes de la région pour justement être accessible au plus grand nombre et pas seulement aux Nancyens. Voilà, donc là, ça se passera à salle Les Écraignes à Villers-lès-Nancy, donc le 26 mai à partir de 10h. Un salon de la parentalité bienveillante en Lorraine, ça s'adresse aux parents, mais pas seulement. Ça s'adresse, oui, aux parents, aux grands-parents, aux assistantes maternelles, aux instituteurs, à tous ceux qui sont en contact avec les enfants et qui ont envie d'aller plus loin dans leur démarche. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir, alors apprendre aussi ce jour-là? Il y aura, par exemple, l'association Sécurange qui milite pour une bonne installation des enfants en voiture. Car encore aujourd'hui, on peut le remarquer quand on fait les sorties d'école, beaucoup d'enfants, pour des courts trajets, par exemple, rentrent chez eux sans siège auto. Parce que c'est un court trajet, parce que c'est mamie qui vient chercher, parce que c'était improvisé. Ça reste un problème, on va dire, de santé publique important. Il y aura des associations aussi, comme un Foilettement 54, qui soutient les familles qui sont dans une démarche d'allaitement, qui rencontrent des difficultés ou qui ont simplement envie de partager leurs expériences. Il y aura des formateurs dans tout ce qui est donc éducation bienveillante, Montessori, Fadore Maskish, enfin des noms qui commencent doucement à être connus du grand public, mais qui méritent encore d'être soutenus. Il y aura aussi une compagnie de théâtre qui proposera un spectacle tout jeune public à 4 heures. Donc il y aura une vingtaine d'exposants, tout à peu près, c'est ça ? Autour de 25. Donc le jour-là, c'est plus pour les jeunes parents ou pour les parents aussi d'adolescents qui pourraient être aussi concernés par ce rendez-vous ? Alors il y aura des rencontres, des ateliers aussi bien pour les jeunes parents que pour les parents d'adolescents. D'accord. On aura aussi des rencontres autour du jeu de société qui peut intéresser donc les enfants plus grands, on va dire d'âge primaire et adolescent. Avec la caverne du Gobelin qui sera présente, hein, je crois, c'est ça ? Avec la caverne du Gobelin. Des ateliers, des démonstrations, c'est ça ? C'est ça, des ateliers, des conférences, donc un spectacle, des stands, des exposants, donc qui aussi permettent d'avoir une relation, une rencontre plus personnelle, puisqu'on peut s'adresser directement à eux sans que ce soit organisé. Pour vous, association assez récente, hein, depuis 2014, vous l'avez dit, la Cour des Parents existe. Un rendez-vous tel que celui-ci, ça représente quoi ? Et ça peut servir à quoi aussi ? Alors pour nous, c'est bien sûr l'occasion de remplir les objectifs de l'association, donc de venir en aide aux parents qui ont des besoins, mais aussi de demander aux parents de nous rejoindre ou de rejoindre les autres associations qui sont toujours en recherche de bénévoles. Je pense notamment à 9 mois en bleu, je pense à un Foilettement 54 ou à Jumeaux et Plus qui sont des associations qui sont très actives sur la région et qui recherchent constamment des bénévoles pour proposer toujours plus aux familles qui ont besoin d'eux. Donc ce sera l'occasion de vous rencontrer et de poser toutes les questions, voilà, d'en savoir tout plus et d'aller plus loin encore. Le grand atelier des familles, eh bien, ce sera le samedi 26 mai de 10h à 18h, salle Les Écraignes à Villers-lès-Nancy. Où est-ce qu'on peut retrouver un peu des informations concernant cette journée si on veut en savoir plus avant le jour J ? Alors, on a un site internet, lacourdesparents.fr. Simplement, donc là, il y a toutes les informations sur l'association et il y a un lien, le grand atelier des familles. Et on a également une page Facebook où on partage toute notre actualité et l'actualité des associations et des professionnels qui adhèrent auprès de nous. Très bien. Eh bien, si on a des questions à vous poser, eh bien, rendez-vous le samedi 26 mai. Salle Les Écraignes à Villers. Merci beaucoup. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.